La série entre les Saguenay-Lescoutimi et les Tigres de Victoriaville va débuter en fin de semaine, une série 8 contre 9. Et question de savoir davantage, on parle avec l'instructeur-chef Yannick Jean. Salut Yannick! Salut! Yannick, qu'est-ce que ça fait lorsque je regarde le record de la franchise des Tigres, c'est toi qui as le plus de victoires en carrière. Est-ce que ça fait quelque chose de spécial d'affronter son ancienne équipe? Non, pas vraiment. Ben, pas pour l'instant, en tout cas. Peut-être ouais. Que ça commence. Je te dirais que c'est pas un individu contre une équipe ou un individu contre un autre individu. Les séries éliminatoires, c'est quelque chose d'important. Puis c'est vraiment là, les Tigres contre les Saguenay. OK. Le plan de match, je t'écoutais hier au magazine de TVA Sports. Ça va être évidemment d'être discipliné, de ne pas avoir de pénalité stupide, quoi. Ben, d'être discipliné comme on l'a été tout au long de la saison. Lorsque tu arrives dans une série éliminatoire, le degré d'émotion relève encore. Tu veux être certain de rester sur la glace. Tu veux pas te faire battre par les unités spéciales de l'autre équipe. Donc, c'est important pour nous là de rester discipliné comme on l'a été tout au long de l'année, comme on l'a été l'an dernier également. On veut rester sur la glace. Ça fait partie de notre ADN, on veut pas sortir de ça. OK. Est-ce que les Tigres, c'est une équipe robuste, j'imagine, qui vont certainement essayer de vous intimider et vous faire sortir de votre plan de match? C'est là aussi la clé, hein? Ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont essayer. T'sais, on va se concentrer sur nous. D'un autre côté, nous, on s'est bien préparé tout au long de la saison à arriver dans les séries, à être disciplinés. Je suis convaincu qu'on va arriver à bien faire ça. OK. Si on parlait maintenant de les fameuses victoires sur la route, on sait qu'on le répète souvent, ça. Les Saguenayens ont beaucoup de difficultés à gagner sur la route. Ils ne gagnent pas de match sur la route. Est-ce que, toi, ça peut te servir de motivation? Ben non, parce que on a fini l'année de matchs en bas de 500 là, sur la route. Donc, les Saguenayens donc pas sur la route. Je crois pas un mot de ce que tu dis là. Maintenant, oui, on a eu des matchs où est-ce qu'on a eu plus de difficultés à marquer des buts, mais c'est pas nécessairement là qu'on gagne pas sur la route. Dans les séries, tu fais des choses spécifiques par rapport à la grandeur de la patinoire, par rapport à où est-ce que tu es, puis c'est ce qu'on va essayer de faire après les deux premiers matchs. OK. Du côté des gardiens, on sait toujours pas si ça va être qui sera devant le filet du côté des Tigres. Est-ce que ça change le plan de match? Ce côté-là? Mais non, ça change pas le plan de match. Nous autres, on le sait qui va gauler pour nous autres. Mais si eux autres ils savent pas, nous on le sait. C'est Julio Bilia. Puis maintenant, non, c'est pas de savoir le gardien de but de l'autre côté change le plan de match ou non. OK. Est-ce que Jamal Rutsoff va revenir finalement? Attends, parce que là on disait qu'il avait des bonnes chances de revenir pour les séries. Est-ce que tu peux confirmer qu'il va être là pour le premier match? Non, pas du tout. Il y a jamais personne qui a parlé de ça. Il y a deux semaines, on a dit que demain, ça allait faire. Demain, mercredi, ça va faire deux semaines qu'il fallait qu'on lui donne le congé de repos pour bien guérir sa blessure. Maintenant, on va voir dans quel état qu'il va être demain. OK. Ben, Yannick, un gros merci, puis on se reparle à la fin des séries. Merci. Yannick Jean, l'instructeur-chef des Saguenay-Lescoutimi.